et pour ces mauvais moments. Maman, maman, tu le sais, je t'aime tendrement. Désolé, désolé que je vive pas autrement. Maman, maman, désolé, désolé pour ces mauvais moments. Maman, maman, tu le sais, je t'aime tendrement. Désolé, désolé que je vive pas autrement. Maman, elle est pour toi cette chanson. Ma maman, je suis désolé pour ces mauvais moments. J'ai fait quand, quand tu m'aimais tendrement. J'ai fait l'âme de ma vie, comment faire autrement. Je t'aime de tout mon cœur, comment te le montrer. Je suis descendu si bas, comment me remonter. Je m'excuse si un jour je t'ai menti. Je t'ai déçu, comment me repentir. J'ai fumé, j'ai trop bu, je voulais pas te le dire. Tu t'imagines ton fils en train de vivre le pire. Je suis désolé pour t'avoir amené les tribunaux, les flics. Si je vais mal, c'est que j'ai fait mal, alors je le mérite. Je ne veux pas être coupable de tes larmes de dérive. Dans ton beau visage, je veux être coupable d'un sourire. Je veux te voir fier, non, pas te voir mourir. Je veux plus te voir pleurer, oui, je veux te voir vivre. Maman, maman, désolé, désolé pour ces mauvais moments. Maman, maman, tu le sais, je t'aime tendrement. Désolé, désolé que je vive pas autrement. Maman, maman, désolé, désolé pour ces mauvais moments. Maman, maman, tu le sais, je t'aime tendrement. Désolé, désolé que je vive pas autrement. Papa, papa, je sais que t'es là. Désolé, désolé, je suis pas avocat. Papa, papa, tu sais que je t'aime toi. Désolé, désolé d'avoir quitté la classe. Papa, papa, je sais que t'es là. Désolé, désolé, je suis pas avocat. Papa, papa, tu sais que je t'aime toi. Désolé, désolé d'avoir quitté la classe. Papa, je suis désolé d'avoir sali ton nom dans tes histoires pitons qui se comptent en grand nombre. Oui, je voudrais m'excuser de t'avoir foutu la honte. Des tribunaux pour enfants, maintenant je m'en rends compte. Dans ma putain de vie de fou, putain j'ai trop fait le con. Dans cette merde que j'ai fait, merde j'ai dû te faire mal au cœur. Comment me rattraper, impossible j'en ai peur. Je sais pas si tu serais fier que je finisse rappeur. Rapper peut pas rattraper toutes ces larmes et ces pleurs. Prends donc cette chanson comme un grand bouquet de fleurs. Prends ça comme un pardon, une gomme pour le malheur. J'ai dans le fond, je suis bon, mais j'aurais pu être meilleur. Meilleur, meilleur, meilleur, meilleur. Ouais, papa, maman, en un mot, mes parents, mes enfants, mes frères, mes grands-parents, mes amis. C'est tout ce que j'ai de meilleur, c'est tout ce que j'ai de meilleur. Maman, maman, désolé, désolé pour ces mauvais moments. Maman, maman, tu le sais, je t'aime tendrement. Désolé, désolé que je vis pas autrement. Papa, papa, je sais que t'es là. Désolé, désolé, je suis pas avocat. Papa, papa, tu sais que je t'aime toi. Désolé, désolé d'avoir quitté la classe. La famille, les amis, désolé, désolé pour tous mes conneries, pour tous mes conneries. La famille, les amis, désolé, désolé pour tous mes conneries, pour tous mes conneries. Ouais, ouais. Désolé, désolé, papa et maman, vous m'avez élevé très bien autrement. Ouais, ouais, je vous remercie, c'est ici. Ouais, ouais, pour si c'est, oh ouais, ouais.